Je te braque même pour qu'il y a dans ma gueule dans une tête. Elle va sauter sa mère. Tu connais, c'est devenu respirable tolérant zéro. Pokémon et si les projets, ça passe de front kick sur les agents en uniforme et homme ou femme. Bah ouais, je vais te confirmer qu'elle met plus le seum. Donne une plaque en P38 à une fille de facho et ça est. C'est dead, foutu. Et comme elles savent qu'on est tous machos dans les blocs, elle va tirer les menottes dur dur. Tu connais Rudy pour ses vérités crues, mon ami. Comme pas s'ils veulent bien te faire copier. Fuck les, à force d'aller mal, tout va bien. Tu connais, soir ce, c'est une crêpe à Bigal devant le Magnum Club. J'ai des compétences dans la chouraf, t'as pas été invisible pour les caméras de surveillance de Ronnie 2. Moi, je m'en bats les couilles d'attendre qu'Arlette Laguiller passe au pouvoir pour arrondir mes fans de moi. Ta gueule, je te dis, ton accord il est tout pété. Tu crois que je rigole? La solace c'est tout un art pédé. Fume un carry, tu seras un terroriste. Bombarde 100 000 Irakiens, bah tu seras un conquérant. Y'a chose qu'elle qui m'échappe. Y'a de la CC sur le zen à Johnny. Fumer un petit joint, c'est pas bien méchant. J'suis pas ton challenger. Gratte mon hume à mon manager et j'te rends cas. Que tu veux me faire un petit cosma sur le boule. Négro, ce flow c'est Dieu. J'venais de passer en 4ème quand il m'a procédé. J'fais des feats avec Tupac la nuit quand j'dors. Dès que j'lui demande des news de mon sauce, j'me réveille en sursaut. J'étais un bon petit peu. J'me suis décivilisé avec le temps. Putain de sa mère. Wesh l'équipe, ici c'est taratata son avis. C'est le making of d'une jeunesse écrit qui se mange des béquilles. C'est si y'a et c'est mesquis, ce bâtard peut se défouler sur nous, mesquis. Tu veux savoir, je viens d'où? PSB, point C, entre Livry et le bon Bondi. Tu me verras pas dire que j'irai jamais à la messe ni au j'aime. Mais plutôt vas-y, je vais voir si je peux venir demain. Quand tu vas te faire bébat, 3-4 têtes de bœuf. Va pas porter plainte au stepo, t'auras l'air de bé. À la famille, c'est Roots. Le secret, elle me gardait à la rédaction groove. Capuche sur la gueule, en stationnement illicite. Minuit 20, je me tue à gratter du positif. Mais Laurent Boyer veut toujours pas ma vie. T'es African Star, ok, je vais la faire à l'envers. Go, baisse ta meuf dans les poubelles à part Sacha. Elle va jamais rien t'apporter, alors partage-la. Détourne ta bourse, investis-la dans les extas. Ça me pète de plan, c'est l'avenir, les cachetons. Mais ils attendent quoi de moi? Dealer, tu payes pas les séances de studio pour y jouer les MC éducateurs, ni pour faire des sons sentimentaux au maximum. Cornet c'est cornet, cousin, moi je suis moi. Je t'aime, nanani, nanana, tu me manques 30 fois dans un son mois. Asie, c'est beau. C'est chaud, en partant, j'ose pas. Il a laissé les pauvres dans la cage aux faux. C'est en banlieue Paris Nord, tu vas trouver les sons les plus là. Tu peux parier ma vie. Paul et ta soulier d'or, record absolu de voiture brûlée en décembre. Paris est magique. J'te le dis pour de bon. Cette année, dans les cabines de prise de voix, ça sentir le.